the ground. To power and a pain. Look at that book that we're on the ground. Hey yo, je débarque avec l'objectif de mettre pied sur le podium. Qu'on me donne la chance de dire tout ce qui m'emprisonne. Invité d'honneur au narcisse de ma propre part. Ah, c'est moi que les années qui nous viennent derrière la crête au cœur. La douleur de voir le noir malheur, j'ai sombré sans m'apercevoir. On s'est évanoui avant que la nuit vienne conquérir le soir. La conclusion est sans prémisse, faut que le reste en piste. Que jamais j'oserai rayer mon nom de la liste. Mais l'avenir est triste, les pleurs en témoignent à chaque des soupirs. Chante le rap attend qu'on le soit. Il attend qu'on soit sur la table d'opération, microphone en main. La préparation terminée, la sortie juste à point. On marche, déclare de l'air avec mes nerfs. Qu'on représente au maximum, même si je suis nerf. Ma mère, je chance quelque chose, ma vie, mon père. Qu'est-ce que méchant, je le fais partout, même en concert. Certes, on prend le mic pour faire un saut. Peut-être que les sons sont courts, mais ça nous donne la sensation d'être super. Je m'en tourne les queues, j'ai toujours fait comme enseigner. C'est pourquoi je serai jamais en train. Encore une fois de plus, on envahit la place. Encore une fois de plus, on ouvrira la charte. Encore une fois de plus, encore une fois de plus.